Section 58 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270. 1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 13, première partie, Bohème, la révolution hussite, suite, par Ernest Denis. Croisade contre les hussites. Pendant 11 ans, l'Empire et le Saint-Siège lancèrent à l'assaut de la forteresse hussite toutes les forces dont ils disposaient. Usèrent de tous les moyens matériels et moraux pour réveiller la foi, surexciter les passions. Ce fut en vain. Les bohèmes restèrent toujours victorieux. Expéditions populaires où les croisés, par centaines de milles, se ruaient sur les hérétiques et les slaves, incursions de mercenaires, attaques multiples et savamment combinées, tout échoua. À la fin, la terreur inspirée par les armées hussites était telle que le bruit seul de leur approche suffisait à jeter la panique parmi les assaillants. Lors des dernières croisades, à Tachov, 1427, à Domaslice, Tos, 1431, il n'y a même pas de combat. Succès d'autant plus extraordinaire que les hussites ne sont pas même maîtres de la monarchie tout entière. Les provinces allemandes, Silésie, Lusace reste fidèle à Sigismond, lui fournissent des troupes. La Moravie est incertaine et partagée. Du dehors, aucun secours sérieux. Une partie des Tchèques avait eu l'idée d'offrir la couronne au roi de Pologne. Les ennemis de Sigismond et l'adversaire de l'ordre teutonique n'avaient-ils pas les mêmes intérêts? Dans les premiers temps, les relations de la Bohême et de la Pologne avaient été assez actives. Les Slaves ne rassembleraient-ils pas leurs forces contre les Allemands? Ceux-ci le craignaient fort. Les sympathies tchèques étaient très vives à Cracovie. Mais les scrupules religieux de Vladislav l'emportèrent sur ses ambitions politiques. Il refusa la couronne, promit des secours à Sigismond. Le prince de Lituanie, l'énergique et astucieux Vitovt, était moins timide, et il envoya à Prague son cousin, le prince Koribut, dont la majorité des Tchèques reconnut l'autorité, 1422. Ce ne fut qu'une espérance. Vitovt avait trop d'affaires sur les bras pour suivre sérieusement les événements de Bohême. Sigismond le gagna et Koribut fut rappelé, 1423. Il revint ensuite en Bohême, mais abandonné à ses seules forces, ce n'était plus qu'un aventurier qui cherchait à profiter des circonstances pour acquérir une couronne, et ces intrigues n'aboutirent qu'à augmenter les divisions qui déchiraient la Bohême. Divisions intestines. Les hussites, sans autre secours que de vagues et intermittentes sympathies, ne parviennent même pas à constituer un gouvernement reconnu de tous et disposant de toutes les forces de la nation. Nicolas de Hus, le politique le plus remarquable de la Révolution, avait assez d'autorité peut-être pour fonder une dictature. Vers la fin de 1420, il se casse la jambe en tombant de cheval et meurt quelques semaines après. L'Union, maintenue un moment par le péril imminent entre les radicaux et les modérés, disparaît après les premières victoires. Jean de Zélive, qui s'appuyait sur le petit peuple de Prague, est mis à mort, 1422. Et depuis lors, le pays se partage entre les Utraquistes et les Taborites. Entre eux, il y a des alliances momentanées, jamais d'entente durable. Aucune des deux grandes factions révolutionnaires n'est assez forte pour écraser l'autre et une réconciliation sincère est impossible. Leurs rivalités incessantes ensanglantent le royaume. La majorité dépend de quelques groupes mal définis, guidés par leurs intérêts souvent plus que par leurs convictions, et qui se portant tour à tour à droite et à gauche, empêchent l'établissement de tout pouvoir durable. Dans l'intérieur même de chaque parti, l'unité est fort incertaine. Les radicaux se partagent en taborites proprement dit, et en Orébite, qui, après la mort de Ziska, leur chef, prennent le nom d'orphelins. À Prague, en face des Calixtins timides, prêts à racheter à tout prix leur réconciliation avec Rome, les Utraquistes ardents, sous la direction d'un des prêtres les plus écoutés, Rokitsana, unissent à un sérieux dévouement aux idées nouvelles une aversion profonde des témérités révolutionnaires. À chaque instant, entre les différentes sectes, des dissensions éclatent, et les guerres civiles presque constantes achèvent de ruiner le royaume déjà si terriblement ravagé par les invasions étrangères. La lutte avait pris dès la première heure le caractère d'exaspération et de violence qui s'est de tout temps attaché aux guerres civiles et religieuses. Catholiques et hussites rivalisaient de cruauté. Les catholiques mettaient à mort tous ceux qui leur tombaient entre les mains, et les hérétiques répondaient à ces massacres par d'autres massacres. Les taborites, non pas plus féroces que les autres, étaient peut-être plus redoutés. Leur fanatisme s'en prenait volontiers aux monuments comme pour détruire jusqu'au souvenir de l'ordre des choses dont ils poursuivaient la ruine. La Bohême était couverte d'églises et de monastères que la piété des fidèles avait parés de toutes les richesses artistiques. Ils furent saccagés, les statues et les sculptures détruites, les livres déchirés et jetés au vent. Dans presque chaque ville, les partis étaient en présence, irréconciliables. Souvent, ils se disputèrent longtemps la domination tour à tour vaincue et victorieux. Aux préjugés religieux s'ajoutaient les haines accumulées depuis des siècles. Comme dans les discordes civiles de l'ancienne Grèce, les vainqueurs n'accordaient pas de grâce à leurs rivaux parce que ceux-ci ne pouvaient pas se résigner à leur défaite. Il ne s'agissait pas seulement en effet de ces questions de dogme sur lesquelles l'entente est toujours si difficile, mais de la direction des affaires municipales et de la fortune même des habitants. Les bourgeois formaient une oligarchie étroite et leurs superbes germaniques refusaient de partager le pouvoir avec les corporations tchèques, qu'ils avaient toujours tenues dans une demi-servitude. Les Slaves se sentaient en péril tant qu'ils avaient au milieu d'eux des hommes qui ne parlaient pas leur langue, se réclamaient d'autres lois et voyaient dans les croisés des compatriotes et des défenseurs. Victorieux, les Hussites expulsaient leurs adversaires, confisquaient leurs biens. La Bohème slave. Les progrès de l'hérésie avaient ainsi pour corollaire les progrès de la race tchèque. La germanisation était encore beaucoup moins profonde et étendue qu'elle ne le fut au XVIIe et au XVIIIe siècle, après les épouvantables désastres de la guerre de Trente Ans. Il suffit d'une dizaine d'années pour rendre en grande partie à la Bohême le caractère slave qu'elle avait perdu depuis les derniers prémicides. Les villes en particulier qui avaient été jusqu'alors la forteresse de l'élément étranger devinrent, jusqu'à la bataille de la Montagne Blanche, un des foyers les plus ardents du patriotisme tchèque. L'influence germanique, si gravement menacée au nord par les défaites de l'ordre teutonique et les progrès de la Pologne, battue en brèche sur le Danube moyen par l'invasion turque et la réaction nationale magyare, était plus sérieusement encore menacée dans la vallée supérieure de l'Elbe. Les postes avancés de l'Allemagne se retournaient contre elle. Les historiens allemands contemporains conservent une amère rancune contre les rebelles dont l'impitoyable patriotisme les a délogés de positions qui semblaient définitivement conquises. Et chez les écrivains protestants eux-mêmes, les sympathies religieuses s'éloignent de ces rebelles qui furent les ennemis implacables de l'Empire. Leur tristesse s'explique et on éprouve quelques velléités de la partager en songeant aux ruines qui accompagnent la transformation du pays. On ne saurait oublier cependant que malgré les pertes immédiates qu'elle entraîna, cette transformation fut féconde. Les Tchèques étaient d'ailleurs en état de légitime défense. Si la Bohême, après avoir été gouvernée pendant plus de 4 siècles par la dynastie des Habsbourg, est encore aujourd'hui un pays slave, il est certain qu'il faut en chercher la cause dans la révolution hussite. Et lorsque les promoteurs de la Renaissance tchèque contemporaine ont cherché dans le passé leur titre de noblesse, leur reconnaissance ne s'est pas trompée en allant à Ziska et à Jean Hus, plutôt qu'à Otakar et à Charles IV. Cause des succès des Hussites, Ziska. C'est aussi au caractère national qu'avait pris l'insurrection dès la première heure que les Tchèques durent les triomphes extraordinaires qu'ils remportèrent sur leurs adversaires. Sans doute, des circonstances secondaires les favorisèrent. D'abord, le caractère de Sigismond. Il avait l'âme vaste, nous dit Sylvius. Si vaste que ses ambitions complexes étaient flottantes. Ses désirs, trop nombreux, n'avaient pas beaucoup d'intensité. Il se fatigua vite d'expéditions sans gloire et sans profit. Il avait épousé la fille de Louis le Grand, Marie, et avait été reconnu roi de Hongrie. C'était un embarras plutôt qu'une force. Comme les empereurs précédents, en étendant ses domaines, il augmentait le nombre de ses ennemis plus qu'il n'accroissait ses ressources. Il lui fallait courir au sud où s'avançaient les Turcs, à l'ouest où menaçaient les Vénitiens. Indifférent à sa propre cause, il s'en remit à d'autres du soin de la faire triompher, laissa à l'Allemagne l'honneur de venger la Curie. Les populations germaniques pressentaient bien l'importance des intérêts engagés, et ce n'était pas uniquement la foi et l'avidité qui poussaient au combat les hordes des croisés. Mais l'Empire était trop désuni, trop affaibli par une anarchie chronique, pour opposer à la haine des Slaves une haine aussi vigoureuse. Les Tchèques, au contraire, bien que divisés en parties irréconciliables, avaient tous au cœur le même enthousiasme et le même dévouement. L'Église, écrivait les Pragois dans un manifeste célèbre, nous a traités comme une marâtre et comme la plus cruelle des marâtres. Elle a lancé contre nous nos ennemis naturels, les Allemands. Quelle cause de guerre ont-ils, si ce n'est la haine éternelle qu'ils nourrissent contre notre race? Ils voudraient lui faire subir le même sort qu'en Misnie, en Prusse et sur le Rhin. Nos chers concitoyens, vous tous qui êtes dévoués à la couronne bohème, rappelez-vous nos ancêtres qui ont toujours aimé la patrie d'un ardent amour. Levez-vous pour soutenir notre pays contre l'injustice et l'oppression. Qui doutera désormais, disent les seigneurs, que le but que se proposent le roi et le pape ne soit la honte, le déshonneur et la ruine de la couronne, du royaume et de la nation. Ziska déclarait qu'il avait pris les armes pour la liberté de la parole de Dieu, mais aussi pour la gloire du peuple bohème et slave. Certains écrivains sont partis de là pour accuser les Tchèques d'hypocrisie. La réforme religieuse ne serait qu'un prétexte à travers lequel perce la seule passion réelle des Hussites, la haine de l'Allemagne. Rien n'est plus inexact. Pour eux, l'idée nationale et l'idée religieuse étaient inséparables. L'indépendance de la patrie était sanctifiée par la mission réformatrice qu'ils s'attribuaient. Comme les soldats de la Révolution française, ils combattaient à la fois pour la vérité et pour le pays. Ainsi qu'il arrive presque toujours, la nation secouée jusqu'au fond de ses entrailles enfanta des chefs militaires de premier ordre. Le plus célèbre, le plus remarquable aussi, fut Ziska. Sorti des rangs de la petite noblesse, assez pauvre, il avait combattu en Pologne contre l'ordre teutonique. Son expérience, son courage, son fanatisme impitoyable, son dévouement ardent à la cause slave, lui gagnèrent la confiance des insurgés. Et il sut les plier aux lois d'une discipline de fer. Trapu, avec de fortes épaules, la poitrine large, une tête énorme, il inspirait à ses soldats une confiance aveugle et à ses ennemis une terreur superstitieuse. Il était borgne, devint aveugle en 1421, mais n'en mena pas moins ses troupes au combat. Cela même augmenta son prestige et le merveilleux de ses triomphes. Il comprit d'instinct qu'à toute transformation sociale correspond une transformation dans l'art militaire. Le XIVe siècle est une époque de décadence pour la chevalerie féodale. Les guerres bohèmes achèvent la démonstration commencée à Crécy, Poitiers et Azincourt, à Sempach et à Neffels, à Nicopolis et à Tannenberg. Aux cavaliers allemands, Ziska oppose ses paysans, armés de fléaux et de piques, mais rompus aux manœuvres, aux conversions et dociles à la voix de leur chef. Pour rompre l'élan des ennemis, il donne à ses lignes une grande profondeur et protège ses colonnes par de véritables remparts mouvants, les célèbres charrettes de guerre, rattachées entre elles par des chaînes de fer et couvertes par des planches, derrière lesquelles les tireurs se mettent à l'abri. Elles forment une enceinte fortifiée où les combattants, trop vivement pressés, trouvent un inexpugnable abri. Si le terrain le permet, on les lance sur l'adversaire et les conducteurs, dressés aux rapides évolutions, enferment dans ces murailles une partie de l'armée ennemie. Peu à peu, elles se garnissent de canons et d'arquebuses. L'artillerie se développe et beaucoup de fantassins sont armés de fusils. Les bohèmes donnent ainsi le signal de la Révolution qui substitue au système militaire du Moyen-Âge le système moderne. Tous les peuples voisins reconnaissent alors leur supériorité et s'inspirent de leurs exemples. Ziska se sert d'ailleurs avec un véritable génie de l'instrument qu'il a forgé. Comme l'armée moderne, il crée la guerre moderne. Par la rapidité des mouvements, l'habile concentration des troupes, l'étude et le choix du terrain, il mérite d'être classé parmi le petit nombre des généraux réellement supérieurs, c'est-à-dire de ceux qui ont fait faire un progrès marqué à la stratégie et à la tactique. Procope le Grand, les expéditions au dehors. Après la mort de Ziska, 1424, l'anarchie s'accroît encore en Bohême. Pendant plusieurs années, il n'y a plus même d'unité dans les opérations militaires. L'indifférence de l'Allemagne, dont l'ardeur s'épuise en discussion, en projet de réforme, et dont les tentatives condamnées d'avance n'inspirent plus de terreur, semble devoir être plus funeste aux Hussites que les attaques précédentes. La Bohême fut sauvée du désespoir par Procope, le véritable successeur de Ziska. Procope, que l'on nomme le Grand, pour le distinguer d'un autre chef taborite, Procope le Petit, et que l'on appelle aussi Procope le Rasé, parce qu'il avait reçu la tonsure, n'était pas seulement un chef militaire de premier ordre, mais un politique. Au milieu de l'affaissement général, les communes de combat conservaient l'enthousiasme des premiers jours. Aguerris par de longues années de lutte, leur fanatisme s'était fortifié par l'orgueil de leur victoire. Procope les lança sur l'Empire. C'était le seul moyen d'arracher la Bohême à l'anarchie, de ravitailler par la conquête le pays ruiné par l'invasion et d'amener l'Allemagne, à force de souffrance, à solliciter la paix. Depuis lors, chaque année, des bandes hussites portent le fer et la flamme dans les provinces voisines. La Hongrie, la Moravie, l'Autriche, la Silésie, la Misnie, le Brandebourg, la Thuringe, la Bavière, la Franconie sont épouvantablement ravagées. Une terreur folle dissipait les armées qu'on essayait d'opposer aux taborites. Telle était la panique des chrétiens, écrit le chroniqueur, que depuis longtemps avant l'arrivée des hérétiques, ils abandonnaient des villes même fortifiées et des châteaux. Les complices du diable réduisaient à de telles angoisses le peuple fidèle que beaucoup prenaient la fuite et quittaient leur demeure en y mettant le feu. De grandes cités, Erfurt, Nuremberg, achetèrent le départ des Hussites et leurs hordes victorieuses pénétrèrent jusqu'à la mer Baltique. Le souvenir de ces dévastations se prolongea jusqu'à la guerre de 30 ans. Mieux vaut cela, disait le dicton, qu'une invasion hussite. Depuis les déprédations hongroises au Xe siècle, l'Allemagne n'avait rien vu de pareil. Le légat du pape. Le cardinal Cesarini obtint de la diète de Nuremberg un suprême effort. La croisade de 1431 se termina par un désastre plus humiliant encore que les précédents. L'armée allemande comptait, dit-on, 40 000 cavaliers et 90 000 fantassins. On entendait le bruit lointain des charrettes de Procope. Elle prit la fuite, abandonnant tous ses bagages, des milliers de prisonniers. « Nous avons péché contre le Seigneur, » dit tristement le légat. « Il a lancé contre nous sa malédiction et le peuple est frappé d'anathème. » Il rapportait de la croisade la conviction que l'on ne réussirait pas à dompter les Hussites. L'Église et Sigismond se résignèrent à négocier. Le concile de Bâle les compacta. Les ambassadeurs des Hussites furent invités à se rendre au concile de Bâle. L'Église reconnaissait sa défaite, accordait aux rebelles le droit de défendre librement leurs opinions, sans autre arbitre que la parole du Christ. Les discussions se prolongèrent plusieurs années. Malgré ses victoires, la Bohême était écrasée de fatigue. Le royaume avait été traversé et ravagé par des centaines de mille croisés, dépeuplé par la peste, pillé par les étrangers. Les paysans n'étaient guère moins maltraités par leurs compatriotes. Peu à peu, l'ardeur des premiers jours tombait. Maintenant, pour les expéditions lointaines, il fallait les enrôler de force, exercer sur eux une conscription d'autant plus odieuse qu'elle était arbitraire et inégale. Les seigneurs avaient mis la main sur presque toutes les possessions de l'Église et de la royauté, et ils savaient que les souverains n'auraient plus désormais les moyens de s'opposer à leurs empiétements. Pressés de faire régulièrement sanctionner leurs conquêtes, ils attendaient avec impatience l'heure de secouer l'alliance des radicaux. Les utraquistes modérés s'inquiétaient des témérités des taborites, redoutaient de verser dans l'hérésie. Les légats du concile exploitèrent ces dispositions, aigrirent les dissensions. Entre les compagnons de Procope et l'Église, une réconciliation était impossible. Tout s'y opposait. Les idées religieuses et politiques, les haines accumulées, l'intérêt aussi de ces bandes militaires qui se grossissaient d'aventuriers venus de tous les côtés et que la guerre seule nourrissait. Pour que les négociations aboutissent, il fallait que les radicaux fussent écartés. Les nobles et les pragois se réunirent contre eux. C'était la coalition des intérêts et des préjugés contre les revendications sociales. La question religieuse passait au second plan. Deux grands partis étaient en présence, révolutionnaires et conservateurs, démocrates et féodaux. Surpris à quelque distance de Lipan, mai 1434, les taborites furent exterminés. 16 000 hommes restèrent sur le champ de bataille, parmi eux les deux Procopes. Les nobles ne faisaient pas de quartier. Ils n'avaient ramassé que quelques centaines de prisonniers, on les enferma dans une grange et on y mit le feu. Même après le désastre des taborites, les négociations traînèrent. Les Tchèques accusaient le concile d'arrière-pensée et les légats comptaient bien, en effet, amener peu à peu les Tchèques à une soumission complète. Enfin, malgré les inquiétudes de Rokitsana, le chef des modérés, les Hussites, trompés par une série d'équivoques et d'engagements contradictoires, acceptèrent les conditions qu'on leur offrait. Le 5 juillet 1436, les Compactats furent solennellement proclamés à Lilava. Les Tchèques recevaient le droit de communier sous les deux espèces et ils étaient réconciliés avec l'Église. Sigismond promit de respecter les privilèges du royaume et reçut le serment de fidélité. Conséquences des guerres hussites. Comme il arrive si souvent, la révolution, après avoir entassé les ruines, ne laissait guère en somme que des vaincus. Des milliers d'hommes avaient péri, victimes de la guerre, des persécutions religieuses, de la peste, de la misère. La prospérité matérielle était anéantie, le pays couvert de ruines, les mœurs étaient devenues plus grossières et plus cruelles, le mouvement intellectuel arrêté. En face de ce passif, où était le gain? La révolution avait été à la fois politique, religieuse et nationale. C'était pour la liberté de la parole de Dieu, pour la gloire de la race slave, et pour l'établissement d'un régime égalitaire et démocratique que les compagnons de Ziska avaient pris les armes. L'issue de la lutte devait leur causer d'amères désillusions. La royauté, privée de la plus grande partie de ses revenus par l'aliénation et l'usurpation des domaines de la couronne, séparée désormais de la nation par des souvenirs sanglants et une incurable défiance, affaiblie par la ruine du clergé dont les biens avaient été confisqués et de la bourgeoisie appauvrie et transformée, restait isolée, discréditée et impuissante en face d'une noblesse hautaine, ambitieuse, très fortement organisée. Les capitulations électorales acceptées par Sigismond livraient en fait le pouvoir à l'oligarchie qui n'eut dès lors plus d'autre pensée que de compléter son triomphe et réussit presque, sous les Jagellons, à faire du royaume de Bohême une république féodale. En face de la noblesse, que la royauté ne contenait plus, le peuple, épuisé par un effort trop violent, retombe dans une condition plus dure que celle contre laquelle il s'était soulevé. Les villes, à leur tour, sont menacées dans leurs privilèges, atteintes dans leur fortune et finalement dépouillées de toute influence politique. L'insurrection démocratique se termine ainsi par le triomphe complet de la noblesse. Les Tchèques n'ont pas réussi davantage à faire prévaloir leurs revendications religieuses. Non seulement ils n'ont pas réformé l'Église universelle, mais une partie des habitants a refusé jusqu'à la fin d'abandonner le catholicisme, et l'unité morale du royaume est à jamais détruite. Par fatigue, par ignorance, par indifférence, les Hussites ont accepté un traité mal fait et qui ouvre la porte à toutes les surprises. Infidèle à ses origines et comme émasculé par l'anéantissement du parti radical, incapable de choisir entre la résistance ouverte et la soumission à Rome, l'Église utraquiste est condamnée à une rapide décadence. Elle a trahi les principes de la réforme et elle n'a pas obtenu la sécurité pour prix de son apostasie. La Curie voudra bientôt poursuivre ses avantages et la Bohême se trouvera forcée de soutenir de nouvelles et longues guerres religieuses sans oser franchement avouer sa révolte. Et pourtant, malgré tout, l'insurrection hussite n'en reste pas moins une des plus curieuses et des plus fécondes tentatives de l'histoire moderne. Les Slaves de Bohême couraient grand risque d'être submergés par l'immigration germanique. La guerre des Hussites arrêta net l'envahissement, rendit à la bourgeoisie son caractère national, sauva la langue tchèque de la corruption et de l'oubli, enfonça si profondément dans les âmes l'amour de la patrie que toutes les tempêtes ultérieures ne l'en arrachèrent pas. Mais ce n'était pas seulement leur propre cause que défendaient les Tchèques. C'était celle de la liberté de conscience. Or, toute l'habileté avec laquelle avait été rédigé le traité de 1436 n'empêchait pas que l'hérésie ne sortît invaincue du duel engagé. Un concile avait traité d'égal à égal avec les rebelles. Les papes supprimèrent les compactats, mais leur diplomatie ne rendit pas à la Curie le prestige une fois perdu. « Ils brûlent loi aujourd'hui, » fait dire la légende à Jean Hus, « mais dans 100 ans, un signe viendra et ils ne le brûleront pas. » Mort de Sigismond. Sigismond, nous dit Silvius, n'avait accepté les traités d'Illava que malgré lui et parce qu'il voulait à tout prix rentrer dans l'héritage paternel. Il ne s'occupa plus après, car amenait peu à peu le peuple dans la vraie religion. La réaction, imprudente et hâtive, souleva bientôt un mécontentement universel. Les Hussites étaient trop puissants encore et trop convaincus pour abandonner les derniers restes de leur liberté religieuse. Des complots se formèrent. Les projets d'alliance polonaise reprirent faveur. La mort seule de Sigismond empêcha une nouvelle insurrection. 9 décembre 1437. Il ne laissa qu'une fille, Élisabeth, mariée au duc d'Autriche, Albert V. Sur son lit de mort, il invita les nobles tchèques et magyars qui l'entouraient à l'accepter pour souverain. Ce n'était pas seulement leur devoir, leur dit-il, mais l'intérêt des divers pays, et leur union seule pouvait assurer leur prospérité et leur grandeur. Du grand empire fondé par Charles IV, cela seul survivait. Une idée, un programme. Depuis la mort du fondateur de la puissance des Luxembourg, il ne s'était guère écoulé plus d'un demi-siècle et il ne restait plus rien de son œuvre. La réconciliation qu'il avait poursuivie entre les Allemands et les Slaves avait abouti à une épouvantable guerre d'extermination. La réforme de l'Église qu'il avait désirée à une révolution. La Bohême, malgré la gloire qu'elle avait conquise, était trop profondément ébranlée. Trop exclusivement slave aussi pour devenir le centre d'une monarchie composite. La royauté y était trop affaiblie. Elle était condamnée à de nouvelles et redoutables crises dans lesquelles s'épuisèrent peu à peu ses forces de résistance et qui préparèrent l'avènement de la dynastie autrichienne. Il fallut pourtant un siècle encore aux Habsbourg pour atteindre le but qu'avait entrevu Rodolphe Ier. Fin de la section 58, lue par Christine.